Exercice 6, page 168. A. Tu crois qu'il va descendre ? B. Tu crois qu'il va le revendre ? C. Tu crois qu'il va entendre ? D. Tu crois qu'il va attendre ? E. Tu crois qu'il va comprendre ? F. Tu crois qu'il va apprendre ?